C'est quoi clairement ce M23 qui terrorise toute une partie de la région de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Mais comment on peut poser une pareille question? Bon, je comprends, vous êtes journaliste, vous voulez nous faire parler. Mais c'est une armée informelle qui est créée par les Américains, les Occidentaux, par le biais, n'est-ce pas, de leurs hommes libres, Museveni, Kagame, et dans une certaine mesure, M. Tshisekedi. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous posez la question, mais quand on a détruit la dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des armées informelles à partir des théâtres syriens. On les a fabriqués. Et quand ils ont perdu la guerre en Syrie, ils les ont déportés simplement en Libye. Ce sont des armées informelles dans lesquelles vous avez des services secrets, vous avez des agents spéciaux, des services secrets, des personnes, n'est-ce pas, des anciens militaires qu'on a démobilisés pour les besoins de la cause, des mercenaires, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, des gens qui vendent leurs compétences au plus offrant et dans des contextes comme ceci. Vous avez tout ça mélangé, qui sont pris en charge, n'est-ce pas, par les puissances qui, à travers ces mécanismes-là, on connaît, comment dire ça, confisquer les matières premières des pays, instabiliser les pays dans le cadre de ce qu'on appelle la géopolitique du chaos. Géopolitique du chaos, qui est la condition indépassable, qui est la condition nécessaire pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire le pillage des le pillage des États, le blocage, n'est-ce pas, des forces productives des États et l'empêchement de l'émergence des vraies élites, n'est-ce pas, patriotiques, capables, n'est-ce pas, de mettre en valeur non seulement les ressources de ce pays, mais de les émanciper du joug de la domination étrangère. Le reste, c'est du blabla. C'est de cela qu'il s'agit. L'excellent Bekim, que je salue, je n'ai pas eu l'occasion de le saluer, je voulais le saluer particulièrement. C'est mon frère, je suis très content de le retrouver sur le plateau cet après-midi. Très, très content. Excellent comme d'habitude, il vous a donné un principe extraordinaire. Les marionnettes, on oppose les marionnettes. Ils ne se confondent pas. Ils ne décident pas d'une guerre, on les oppose. On les oppose dans le cadre de la stratégie et la géopolitique du chaos. Si vous voulez bloquer un pays, si vous voulez que ses dirigeants ne bougent pas, si vous ne voulez pas qu'il y ait à la tête d'un pays des vrais fils de ce pays-là, avec un projet sérieux pour le pays, mais qu'est-ce que vous lui faites? Vous faites ce qu'on fait là. Vous lui créez une rébellion. Vous montez des armées informelles dans le cadre de ce qu'on appelle l'asymétrie géopolitique. Vous montez une asymétrie géopolitique que vous entretenez. Et dans le cadre du Zaïre, de la RDC, bon, RDC, Congo, le Zaïre, mais c'est l'histoire de ce pays, ça vous surprend. Mais quand on a voulu liquider Lumumba, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé c'était une rébellion au Katanga, avec une marionnette, une ordure qu'on appelle Tshombe. Et c'est nouveau. Bon, maintenant vous allez faire croire que Tshombe était trop fort, il avait créé une armée, et bien, il était frustré, tout ça et comme ça. Mais Tshombe, on connaît son histoire. Tshombe, la rébellion katangaise est une création de la CIA des Belges. Pour détruire un monsieur, Lumumba, qui incarnait un mouvement national. C'est-à-dire quoi? Écoutez bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un mouvement qui naît de la détribalisation. Écoutez ça bien. Et de la projection, comment on dit ça? La projection politique d'un pays dans une dynamique de libération nationale. C'est-à-dire on fédère les gens sur la base d'un grand idéal. Idéal de libération en rapport avec l'histoire du pays. Et ce mouvement était extrêmement populaire, le Lumumba, extrêmement populaire. Comment on l'a détruit? On a fabriqué une rébellion, on l'a confié à un criminel, un voyou, n'est-ce pas? Où le père de Tshisekedi était un acteur majeur, il était là, puisqu'il a dit que, il a appelé, vous l'appelez, que ben, il a appelé que nous avons quoi avec nous. Il a insulté le Lumumba pour dire qu'on a avec nous. Il a dit non, là j'ai oublié le mot qu'il avait utilisé. Vous vous rendez compte? Il dit le père de Tshisekedi qui est là, Tshisekedi. Donc ils ont fait pareil. Mais ça n'a pas changé. C'est pas changé. Et on disait, et Mobutu sans doute, quel est le jeu de Mobutu? Mobutu disait, j'incarne l'unité du Congo. En tout, ça voulait dire quoi? Le jour où on dit que le Congo est uni, ça veut dire que les Occidentaux contrôlent le pays. Leurs intérêts sont garantis. On ne dérange pas le président qui est là. Aucun rébellion ne le dérange. Vous savez que Mobutu était appelé combattant de la liberté par M. Reagan. Nous savons aujourd'hui qu'il était un agent de la CIA avec un matricule connu. Donc, le chantage est clair. Le jour où un dirigeant arrive, il a les velléités des vêtements d'émancipation, ben, la rébellion émerge immédiatement. Et quand la rébellion émerge, on paralyse tes capacités d'action. Tu as le choix entre garantir l'unité ou combattre la rébellion que tu ne vaincras jamais parce que tu prendras l'argent où tes matières premières sont confisquées. Tu veux prendre de l'argent, tu vas dans un guichet international, on te dit de partir avec la rébellion, parce que tous les guichets internationaux travaillent avec les rébellions, mon cher ami. Donc vous voyez dans quoi l'Afrique se trouve en général et dans quoi un pays comme la RDC se trouve. C'est très important. Quelle est l'histoire de ce pays? Il faut comprendre ces affaires-ci. Pourquoi? Ça là, c'est dans la logique des choses. La RDC que vous voyez là, il a connu deux indépendances. Les gens ne le savent peut-être pas. Hein. Je peux l'appeler. La première indépendance, c'est que le voyou et criminel Léopold II, qu'on va déterrer le moment venu, on va le juger même mort. Cette frépouille-là, on va le juger même mort. Ce voyou est venu arracher la Congo. Il a dit que c'est sa propriété. Vous comprenez? Il a dit que c'est sa propriété. Pour s'assurer que c'est sa propriété, vous savez ce qu'il a fait? Du tout. On a créé un statut spécial pour la RDC. On n'est même pas dans les années 1900, on est dans les années 1800 là. Je pense que c'est les années 1800 là. C'est-à-dire que je crois qu'on est là. On est là avant la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique. Le monsieur a réussi à obtenir que le Congo est indépendant sous le nom Association internationale du Congo. Mais pour la question, mais s'il n'est pas indépendant pour le Congolais, il est indépendant pour qui? C'était indépendant pour que ça devienne sa propriété. Donc, à partir de ce statut, il était le propriétaire de la RDC. Donc, du coup, ça n'appartenait évidemment pas aux Congolais. Il n'existait pas. Mais on coupait leurs mains tous les jours. C'est le plus grave. Il a fait tuer combien de Congolais? Il a tué des millions de Congolais. Couper les mains, le pot d'eau, c'est un criminel extraordinaire. Ce criminel-là, que ses descendants m'écoutent, hein, ces enfants-là, votre père est un criminel. Et tôt ou tard, on va déterrer même sa tombe là. On va le déterrer. Pourtant, il venait d'être célébré du côté de la République démocratique du Congo. J'arrive. Qui a célébré? D'accord. Qui a célébré? On a déroulé tapis rouge à son descendant. Oui. Mais qui? Tu sais qui? Un Belge. C'était un Belge. Tu sais qui dit? C'était un Belge. C'est pas un Congolais. C'est un Belge. Et vous avez pas dit ça comment? Dernier chef congolais de la RDC. Vous grattez un Congolais. Vous trouvez un bel qui te cache derrière lui. Mais c'est un problème terrible pour ce pays. C'est un problème terrible, c'est un fait. C'est un Belge, c'est pas un Congolais, c'est un Belge. Vous croyez qu'un vrai descendant de Lumumba peut dérouler sa peau rouge au descendant de ce voyou-là? Donc, il a dit que la RDC, Association internationale pour le Congo, et comme c'était très gros pour lui, il fallait qu'il fasse des alliances stratégiques pour maintenir le gâteau. Eh bien, les États-Unis. La Belgique, vous voyez aujourd'hui, la Belgique était l'un des derniers pays d'Europe. Je dis dernier. Toute sa richesse et son faste que vous voyez là, c'est le Congo. Le Congo est, pour les USA, c'est que les 15 pays de la zone franc sont pour la France. Il faut prendre l'allégorie pour vous comprendre très bien, simplement. La RDC est pour les USA. Ce que les 15 pays de la zone franc étaient ou sont encore pour la France. C'est-à-dire que vous retirez ça à la France, elle n'existe plus. Et c'est là qu'il s'agit. Donc, voilà un pays dont la première indépendance signifie sa disparition historique et sa confiscation, c'est-à-dire et son appropriation par un individu, un criminel, un voleur, un bandit de grand chemin, qu'on appelle Léopold II, roi de Belgique. Depuis ce moment-là, ce pays-là se bat pour être indépendant à travers des multiples mouvements, des multiples batailles, les batailles des populations qui luttent contre les coupeurs de main, les batailles des populations qui luttent contre toutes sortes de brimades racistes. En tout cas, le Mouba, dans son discours prononçant l'occasion de l'indépendance du pays, a bien rappelé ça dans son discours, ce fameux discours historique. Il rappelle devant le petit-fils voyou de monsieur Léopold, le feignant qu'on appelait Baudouin, qui est venu célébrer son père. Qui est venu célébrer son père, Léopold II. Le jour d'indépendance de la RDC. Écoutez bien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même dans la pensée de la Belgique actuelle, ce pays n'existe pas. Du moins, il n'est pas indépendant. Mais vous avez bien compris, Noum. Vous avez très bien compris, je suis en train de partir. Parce que quand Lumumba, pourquoi Lumumba s'en sort resserré? Parce que le jour de l'indépendance, M. Baudouin, il faut le rappeler, descendant de Léopold II, criminel comme son père, pour lui, l'indépendance était la célébration de l'œuvre de Léopold II. Et on a inventé un président. Lumumba gagne les élections. On a manœuvré pour mettre un vaurien président ici de lui dire Kazavubu. Lumumba, on a inventé pour le premier ministre pour refuser que Lumumba est président. C'est Lumumba qui était le président. Sinon, pourquoi Lumumba fait un discours ce jour-là? Le roi fait le discours. Le Tintin là fait le discours. Comme excusez, moi j'appelle Chacha Kazavubu. Mais pourquoi Lumumba parle alors? C'est parce que je savais que s'il ne disait rien là, la cérémonie ne signifiait rien. Parce que c'était lui le représentant légitime des Congolais. Il fait un discours historique où il rappelle tous les brimades, les crimes de Léopold II et son fils devient rouge. Il rougit là sur place. Et s'en sort déjà. Et c'est là à ce moment-là, par le biais d'une CC, c'est la sécession katangaise. Donc, à partir du moment où la RDC était déjà indépendante sous le nom de Association internationale du Congo, vous qui êtes intelligent, moi je vous pose une question. Entre la première indépendance et la seconde là, qu'est-ce qui pour les blancs est valable? Vous répondez, non? Donc pour eux jusqu'à aujourd'hui, la RDC n'existe pas. Laissez-moi, je vais expliquer. Je vais expliquer quelque chose. La RDC n'existe pas pour ces gens. Donc, si la RDC n'existe pas, pour que cela soit vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on voit la grandeur, l'immensité de ce pays, quand on voit son immense et insolente richesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on met en branle les mécanismes habituels. On le fait entourer par, excusez-moi le terme, par quelques états voyous, dirigés par les voyous. Écoutez-moi, si quelqu'un, un Africain, tolère ce que quelqu'un me fait en RDC, c'est pas un Africain. Ça fait des années que je dénonce que quelqu'un est ici. On dit non, oh oui, il gère bien le pays. On a inventé que c'est un panafricaniste. On a tout inventé à ce monsieur. J'ai dit ce monsieur, c'est un criminel. Ça fait des années que je le dis ici. Kagame. Une invention américaine pour déstabiliser la RDC. Et implémenter ce qu'on appelle la géopolitique des Grands Lacs. C'est quoi la géopolitique des Grands Lacs? Quelle est sa quintessence? Les Grands Lacs veulent dire simplement une chose. Il n'y aura jamais de RDC indépendant. Le jour où la RDC est souveraine, on la démembre. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous avez des éminents dirigeants américains et européens qui l'ont dit publiquement. Est-ce que ça n'a pas déjà commencé avec ces zones de Bounagana qui est déjà entre les mains des rebelles? Oui, vous avez raison. C'est l'arrivée. Il y avait une certaine Dendjaï, là. Peut-être mon ami Bekiwa la connaît très bien. Une secrétaire d'État, une sous-secrétaire aux affaires africaines américaines. Je crois qu'elle était sous Clinton. C'était une africaine. C'est peut-être Dendjaï comme ça, Dendjaï, une dame noire. Elle est venue à l'RDC. Elle a été claire, elle a dit qu'il faut penser à. Il faut soudaniser la RDC. De manière officielle, qu'il faut diviser la RDC. Monsieur Sarkozy, bon, maintenant de lui, ça en s'y prend. C'est un. Bon, quand il se drogue pas, il ne peut rien dire. Il était totalement sur le fait de la drogue, monsieur Sarkozy. Il a voulu dire qu'il faut diviser la RDC. Que la RDC, en tant qu'État unitaire, n'est pas qu'on ne le tient pas. Qu'il faut diviser la RDC et partager ses riz. Les documents existent, hein. C'est documenté, c'est ce que je vais vous dire. Les documents existent, c'est dit officiellement. Vous voyez donc que les grands lacs, c'est quoi? Les grands lacs, c'est que si la RDC doit exister, il faut qu'elle n'appartienne pas aux Congolais. Elle doit demeurer la propriété de Léopold II sous le nom de l'Association internationale du Congo, dont les actionnaires principaux s'appellent USA, Belgique, et maintenant les Français, et dans certaines mesures, les Français, n'est-ce pas? Tous ces gens-là. Qui se déguisent en multinationales, tout ce que vous pouvez imaginer, en banque, marché financier, et tout. Et pour garantir ça, il faut que dans les flancs, les frontières, les flancs est, ouest de la RDC, il y a des États fantoches dont le rôle est de déstabiliser ce pays. Ce pays, c'est de cela qu'il s'agit. M23, c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Je suis en disant ceci. Monsieur Tshisekedi, personne ne peut verser une lame pour ce type. Non. D'abord, ce n'est pas un Congolais. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de revenir finalement pour avoir une position, je veux dire, considérable vis-à-vis des intérêts de son pays? Oh, quel intérêt? Tu sais ce que tu avais dit? Monsieur, tu sais ce qu'on appelle l'intérêt du Congo? Il a appris ça où? Mais comment il est devenu président, ce monsieur? Il a appris ça où? Bon, je laisse quelqu'un, mais voilà un président que vous célébrez. Il a marché sur Il a fallu un génocide pour qu'il arrive au pouvoir, Kagame. Et maintenant, il a établi que le génocide est organisé par les Américains. Bill Clinton. Maintenant, c'est public. Kagame était le pion. Formé avec la participation au USA, envoyé chez M. Museveni. Donc, c'est pas qu'il a ciblé le génocide. Ça a été, le génocide a été était un moyen de prendre le pouvoir et implémenter la politique des Américains en RDC qui dure depuis des siècles. Mon cher Doum. Alors, je vous pose une question. Donc, M. Tshisekedi, protéger Kagame. Quand il fallait combattre ce Kabila, il dormait chez qui? Il dormait chez qui? Vous avez oublié? Qui était le parrain de leur réunion? C'était pas Kagame? Hein? Et Museveni? Pour chasser Kabila du pouvoir? Alors, l'histoire est comme ça. Il y a des accidents qu'on n'arrive pas à expliquer chez un peuple. N'importe qui peut devenir président. Mais dites-moi, M. Tshisekedi a appris à défendre les intérêts du Congo. Il a appris ça où? Peut-être là. Non, il a appris où? Quoi, en France, qu'il fait là? Il fait quoi? Vous êtes sérieux? Dénoncer ouvertement ce que vous dites depuis plusieurs années sur ce plateau. Il dénonce quoi? Il dénonce quoi? C'est qui la complicité du Rwanda. Vous êtes sérieux? C'est-à-dire que vous croyez que pour relever un pareil défi, c'est de gérer les relations. Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer par dénoncer? Je vous pose une question. Oui, d'accord. C'est vous qui posez la question. Moi, je vous demande donc. Peut-être que c'est mon rôle de vous répondre. Moi, je réponds par une question. Vous croyez que pour régler un pareil problème, on suspend les relations avec... On suspend quoi? On gèle quoi? C'est ça, c'est un grand pays comme la RDC. Un petit pays comme le Rwanda parle fort à la RDC. Vous êtes sérieux? Mais Kagame sait très bien qu'en face, il n'y a rien. C'est un comédien qui est en face de lui. Vous êtes sérieux que là, un petit Rwanda parle fort à la RDC? Alors que, allons à l'extrême. Si Romain veut gagner la guerre, je dis qu'on va à l'extrême. Hein. C'est pas ce qu'il faut faire. Allons à l'extrême, il veut gagner la guerre. Mais quand vous voyez le poids de la RDC, un président sérieux sur la table, non. Il dit aux Américains, vous avez choisi maintenant entre moi et ce monsieur. Il dit que vous avez choisi. Mais quand on regarde le poids de la RDC, les Américains vont réfléchir. Peut-être sur le poids, sur la question diplomatique, mais sur la question militaire. Et je voudrais peut-être que l'on puisse rebondir avec cette question, puisque le M23, clairement, j'en me dis quoi, sémer la terreur à l'est du pays. Donc, clairement, militairement, la RDC se retrouve en difficulté aujourd'hui. Mais on dit la même chose, monsieur Clément. C'est ce qui sont de vous. Je vous dis que monsieur Tshisekedi, non, il fait son travail, il fait la pédagogie. Moi, je comprends. Il veut que nous, on va au bout de l'affaire. C'est-à-dire que dans le cas même extrême, je vous dis qu'alors au cas est, extrême. Vous croyez que les impérialistes ne sont pas des fous. Un impérialiste, c'est un homme rationnel. La rationalité dit que, démontre que le Rwanda ne vaut rien devant la RDC. Ça veut dire que si un vrai président de la RDC qui est assis tape la main sur la table et dit aux Américains, moi je vous donne quelques jours là, si vous continuez à soutenir ce monsieur, j'arrête la coopération avec vous. Les Américains vont réfléchir, ils sont intelligents, ils vont dire que, mais, dis donc, allez ça. Mais qui est le président de la RDC? Excusez-moi, il est président, il comprend que c'est quoi être président de la RDC. Il comprend que c'est quoi, mais il faut qu'on soit sérieux. Un pays comme ça, il ne faut pas seulement rêver d'être président d'un pays. Comme diriger un pays, on pense le pays, on lit son histoire, on épouse le destin de ce pays. Donc, un grand pays comme la RDC, tu dis toi-même que je suspends les relations. Non, ça c'est la comédie. Tôt ou tard, que ce soit avec Tshisekedi ou pas, comme vous m'avez dit, les vrais Congolais prendront le pouvoir et ils vont remettre les dirigeants rwandais à leur place. D'accord. Ils vont les discipliner et ils sauront que le grand frère, c'est la RDC. Et qu'un petit pays dirigé par un criminel ne peut pas venir déstabiliser le poumon du continent africain comme ça. Et les Africains sont là, on regarde. D'accord. Donc, on est dans le cadre d'un complot, d'un jeu, Bekim l'a dit, Bertrand l'a dit, dans un jeu bien organisé qui consiste à opposer deux hommes liges, c'est-à-dire deux marionnettes, pour distraire les gens. Il y a même un enjeu, moi je pense qu'il y a un enjeu à court terme. Je ne suis pas là, il y a un enjeu, mais là qu'on ne le dit même pas. Moi je vous ai dit qu'il y a une loi que Kabila a votée avant de partir. Il avait imposé. Les 10% là, vous vous souvenez? Ça ne les arrange pas. Sur les mines. Sur les contrats miniers. Sur les prix des mines. C'est-à-dire que cette affaire là. Mais sauf que ce contrat minier, on a quasiment l'impression qu'au président Tshisekedi, il se la joue la pédale douce. Je vous dis que. L'enjeu là. Vous savez? L'enjeu là. Moi, je ne serais pas surpris que de vous entendez que la loi a sauté. Cette loi a sauté. Et que par derrière. Les parrains ont dit à Kagame, laisse tomber, arrangez-vous pour qu'il ait un deuxième mandat. D'accord. Et le commerce continue.